Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes. Dans un grand élan de maturité et de solidarité, vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen dont le résultat fait de ma modeste personne le premier président de la Deuxième République. Autoproclamation qui entraîne la réaction instantanée du leader du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo.